Chers amis, bonjour. Diríamos en francés, rebonjour, porque estamos nuevamente con Aurélie. Oui, bonjour. Et elle va nous parler encore de l'Alsace, otra vez alsacien, pero de esta vez nos va a hablar un poco de historia, porque es una zona histórica importante de Francia y merece la pena también. Oui. Igual que hablamos de Lorena como zona histórica importante, pues Alsacia también. Bon, il faut comprendre que l'Alsace se situe à une zone de passage. Oui. Et toutes les zones de passage sont très riches en histoire. Ça commence à quelle date, l'histoire de l'Alsace? Eh bien, on peut dire que ça commence vers 625 ou 630, lorsque la dénomination d'Alsace est apparue. Mais voyons, quand estuvimos juntas, usted me dijo que los romanos habían estado allí. Et oui, les romains, ils sont pas venus en Alsace? Oui, ils sont aussi venus, mais ça date d'il y a, ça, oui. Il y a beaucoup plus longtemps. Oui, bien sûr. Pero las primeras, los primeros récords históricos son Alsacia. Oui. Y, claro, y sobre todo porque nos han implantado la viña. Porque la viña nos viene de los romanos. Tout a commencé par là. Ah, voilà, c'est là que ça a commencé. Un bon petit coup de vin et voilà, et tout va mieux. Bon, et la dénomination Alsacia apparaît en le siglo VII. Oui. Donc au Moyen-Âge, très bien. Bon, et ensuite, qu'est-ce que vous allez nous raconter? Il y a quelque chose d'important en la littérature française, que sont les serments de Strasbourg. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Quels sont les serments de Strasbourg? Vous vous souvenez ce que c'est, les serments de Strasbourg? Non, je ne sais plus exactement. Je ne sais plus ce que c'était. C'est un escrito que se hace en los herederos de Carlomagno, y que está escrito en tudesco, que es el viejo alemán, en francés antiguo. Están escritos en las dos lenguas. Es el primer documento escrito que tenemos en francés, oficialmente en francés, un escrito oficial en francés, en lo que se puede llamar francés. Y además tiene su equivalente, es un documento traductológico extraordinario. Voilà. Je ne le connais pas, mais... Oui, bien sûr, son cosas muy, así, muy teóricas, ¿no? que se encuentran en los libros de lingüística. Muy bien. Bueno, vamos a hablar del gótico. ¿Dónde tenemos gótico? Vamos a pasar al gótico. ¿El gótico? ¿Dónde tenemos gótico en Alsacia? À la cathédrale de Strasbourg, notamment. Strasbourg, voilà, c'est ça. C'est une cathédrale. Qu'est-ce qu'elle a comme caractéristique? Je ne l'ai jamais vue personnellement. Elle va nous en parler sans le savoir. Je ne connais même pas. Je ne suis jamais allée à Strasbourg. Ah, vous n'êtes jamais allée à Strasbourg parce que vous êtes de la région de Colmar. Oui. De Mulhouse. Très bien. Bon. J'ai jamais visité Strasbourg. Voilà. C'est honteux, je sais. C'est honteux. Bon, mais c'est pas grave. On vous pardonne. Et la cathédrale de Strasbourg, eh bien, elle n'a qu'une seule aiguille. Ah, elle en a qu'une, elle est asymétrique. Es asymétrique, es curiosa. Ah, je ne savais pas. Si. Es una cosa muy, muy curiosa. Muy bien. Bueno, y entonces, después ya. Alsacia devient un enjeu économique et tout le monde veut l'Alsace, de sorte que même Louis XIV en personne va aller. Qu'est-ce qu'il va faire, Louis XIV? Louis XIV, il est partout. Et c'est comme Napoléon. Est en tous les sitios. Eh bien, Louis XIV a pris l'Alsace en 1681 et le Rhin est devenu frontière à partir de cette date. Très bien. Avec l'Allemagne. Voilà. Donc, la France commence à récupérer ce territoire qui va ser un territorio catholique. Oui. A pesar de la réforme que se estaba extendiendo en Allemagne. C'est donc une région de religion catholique. Très bien. Bon, la Révolution, il ne se passe rien. Non, rien c'est de loin. Spécial. Paris, c'est loin, les Alsaciens sont tranquilles, il ne se passe rien. Bon, rien de spécial. Au 19e siècle, crise économique, qu'est-ce qui se passe? Crise économique. Eh bien, la bourgeoisie d'affaires moderniste et l'économie... L'économie commence à avoir des petits problèmes jusqu'à la révolution industrielle. Oui, il y a eu des gros problèmes avec la révolution industrielle, et des crises avec la bourgeoisie. Voilà. C'était une époque pas facile. Une époque pas très facile. Bon. Et puis ensuite, problème à la fin du 19e siècle. 1871, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'Alsace et le nord de la Lorraine ont formé ce qu'ils ont appelé une terre d'empire. Voilà, donc ça veut dire que l'Alsace et la Lorraine ne sont plus, n'appartiennent plus à la France. Oui. Voilà, la France perd l'Alsace et la Lorraine. Mais l'Alsace a été rendue à la France en 1918. Voilà. Et elle a ensuite bénéficié d'un régime particulier et des lois sociales allemandes. Voilà, donc, hay que saber que Alsacia tiene un régimen administrativo un poco distinto del resto de Francia. Oui. C'est une région qui a été... qui a pris la décision de redevenir française et en échange, on lui a accordé un statut particulier. Mmh. Voilà, très bien. Bon, et ensuite, à la Seconde Guerre mondiale, une calamité. Oui, avec le nazisme et tout ça. L'invasion allemande, ça a été terrible parce qu'ils étaient vraiment aux premières loges. Oui. C'était terrible, terrible. Bon, alors, en 1949, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que va devenir Strasbourg? Eh bien, en 1949, le Conseil de l'Europe a rejoint la première organisation européenne et la commission centrale pour la navigation du Rhin est située en même à Strasbourg. Et située à Strasbourg. Donc oui. Strasbourg commence à devenir une ville importante. Assez importante. Retrouver oui. son importance dans l'Europe. Oui. Et ensuite, de nos jours. Eh bien, il y a aussi le Parlement européen, la Cour européenne des droits de l'homme. Et donc Strasbourg est avec Genève la seule ville qui abrite des institutions internationales sans être capitale d'État. Sans être capitale d'État. Donc c'est une très très grosse ville. Oui. D'ailleurs maintenant tout le monde pense à Strasbourg comme le centre de l'Europe presque que Bruxelles. Je ne sais pas, c'est possible. C'est devenu, voilà. Hein. C'est assez important. Donc c'est en quelle année le Parlement s'est-il installé à Strasbourg? Il s'est installé en 1979. Voilà. Très bien. Donc ce n'est pas si vieux que ça. C'est pas très vieux, voilà, très bien. Et donc, à partir de 1994, donc Strasbourg. Oui, il y a eu la construction du nouveau Parlement européen. La construction du nouveau Parlement européen. Eh bien, c'est très bien. Vous nous avez fait un tour d'horizon de l'histoire d'Alsace. Nous avons vu que c'était quelque chose d'une région importante. Oui, nous allons nous reposer un petit peu. Nous allons écouter une chanson de Francis Cabrel. Oui, une autre tout à fait. Que l'autre jour. Et puis ensuite, nous allons continuer sur quelques caractéristiques de l'Alsace. Eh bien, nous écoutons bien. La chanson. Nous, tout petits, déjà durs, dans nos musculatures et toutes ces bagarres qu'il nous tarde. Elle, belle, elle nous regarde. Nous ravis qu'on nous admire, nous, nos salaires et nos sourires et tous ces défauts que l'on farde. Nos armures, nos mains en dessous des voitures et tous ces bars qui nous retardent. Elle, belle, elle nous regarde. Nous, nos envies et nos hormones, nous, nos treillis verts et jaunes, nous devant quand ça bombarde. Saura-t-on jamais ce qu'elles pensent, d'en haut de leur belle patience? Est-ce qu'elles nous prennent pour se connaître? Des bénets abonnés aux bonnes manières comme les anniversaires fantômes, des lointains, des touristes inconnus chez eux. À la médecine pour une piqûre, une écharde. Elle, belle, elle nous regarde. Mais nous, jamais dans les cuisines, nous confondre vaisselle fine avec les vers à moutarde. Saura-t-on jamais ce qu'elles pensent d'en haut de leur belle patience? Aquí estamos con Alsacia otra vez. Oui, de retour. ¿Nos puedes hablar de un poco de cultura en Alsacia? Oui. Por ejemplo, esa cosa que dicen que hablan otra lengua, ¿es así? ¿Un oui. dialecte? Bon. Ok. Tout le monde ne parle pas. Il y a en fait un dialecte qui est l'alsacien, mais maintenant il y a peu de personnes qui le connaissent. Oui. Et donc il est pratiqué dans toute l'Alsace et une petite partie de la Moselle aussi. Qui est enfin, Lorraine, non? Oui. Qui fait partie de la Lorraine. Oui. Très bien. Muy bien. Et vamos a ver, ¿se habla de verdad? Certaines personnes le parlent encore, mais ça se perd beaucoup. Oui. Les jeunes ne le connaissent pas et ne le comprennent pas non plus. Mais dans le temps, c'était très parlé, mais plus maintenant. Plus maintenant. C'est surtout les personnes âgées qui le parlent encore et certaines en parlent à leurs petits-enfants pour qu'ils apprennent. Mais c'est vraiment, ça devient très rare. Ça devient rare. Oui. Oui. Et dans la vie publique, on utilise l'alsacien? Non, mais il y a des personnes qui essayent de maintenir la langue pour pas que ça se perde. Comme dans toutes les provinces françaises d'ailleurs. Oui. Oui. Par exemple, dans les écoles, ils proposent des options pour apprendre l'alsacien, oui. que j'ai fait moi-même. Vous avez fait, oui. Oui, mais vraiment un petit peu, c'était pour nous montrer. Mais après, ça a continué, on pouvait suivre des cours. D'alsacien. Plus perfectionné. Oui. Oui, on donne d'abord des rudiments. Oui. C'est obligatoire ou non? Non, c'est une option. C'est une option. On le fait si on a envie. Si on a envie, oui. Dans les lycées, les écoles. Et on a aussi à la télé le journal régional. Oui. Sur quelle chaîne? Sur la 3. Sur la 3. France 3. Chaîne, voilà, France 3, la chaîne régionale. Oui, la chaîne régionale. Et donc, ils font le journal en alsacien. Surligné en français. Ah, sous-titré en français. Sous-titré, oui, sous-titré en français. Sous-titré ah, en c'est français. Curieux. En alsacien et sous-titré en français. Oui. Et le programme est suivi par un certain nombre de gens. Oui, quand même. Ça, quand même. C'est oui, le journal régional de l'Alsace. Donc, de l'Alsace. Oui, il y a quand même beaucoup de personnes qui le suivent. Et vous, Aurélie, vous avez fait vos études en Alsace. Vous êtes née en Alsace. Oui, moi je suis née en Alsace. Oui. Mais mes parents ne sont pas originaires d'Alsace. Mais ça n'a pas d'importance. Vous êtes donc née en Alsace. Oui. Et vos, j'allais vous demander vos langues de travail, vos langues d'études au lycée, quelles étaient-elles? Ça a toujours été le français. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. En France, oui, bien sûr. Mais vos langues étrangères, je veux dire. Ah, l'allemand. Oui. En première langue. Oui, l'allemand en première langue. L'anglais, moi je l'ai commencé assez tard, je l'ai commencé au collège. Oui. Quand j'avais 14 ans, donc voilà, c'était assez tard. Alors que l'allemand, on l'a commencé dès la maternelle, dès tout petit. Dès la maternelle. Oui. Et ensuite, j'ai commencé l'espagnol au lycée. L'espagnol au lycée. Oui. Très bien. Donc en fait, l'espagnol, c'est votre troisième langue étrangère. Oui. Voilà. Alors que l'allemand, c'est presque une deuxième langue. L'allemand, c'était obligatoire, de toute façon. Ah, l'allemand était obligatoire. Oui. On ne pouvait pas choisir. Non. Vu qu'on habite à côté, oui. C'est quand même une langue assez importante. Oui, mais en France, nous. Par exemple, dans ma région à moi, puisque nous sommes tout à côté de l'Espagne, l'espagnol n'est pas obligatoire. Vous voyez, donc l'Alsace, a bien une spécificité au point de vue des lois, parce que, vous voyez, nous, on ne nous a jamais obligés à faire de l'espagnol en première langue. Non, mais bon, c'est tellement important, en fait, avec l'Allemagne à côté, vu qu'on travaille beaucoup avec l'Allemagne aussi. Que donc, c'est une manière de préparer les populations à vivre de près avec tout cet autre pays étranger qui est si proche. Il faut dire que le dialecto que está ahí en medio ayuda, effectivement. Oui. Oui, pour ceux qui connaissent l'alsacien, ça les aide beaucoup à apprendre l'allemand, puisque c'est quand même les mêmes racines. Oui. Donc, ça aide à apprendre l'allemand. Voilà, c'est une langue qui se distingue de l'allemand, mais qui est de la même famille. C'est la même racine, la même base. Une langue alémanique. Voilà. Tout à fait. C'est d'abord une langue parlée. Hein? Ça a été très longtemps parlé. Voilà, une langue plutôt parlée, hein? Et qui certainement s'enrichit avec des mots français. Hein? Ben, qu'on adapte, comme on peut. Oui, oui. Comme dans tous les dialectes, on adapte oui. et puis on s'arrange. Voilà. Mais c'est très bien. Bon, nous allons, vamos a descansar un poco con la canción. Très bien. Y después nos vas a hablar de más cosas. Es que hay para hablar en Alsacia un montón. Entonces vamos a escuchar. Eso es, beaucoup à dire. Vamos a escuchar una canción très y bien. Ahora volvemos. Hasta D'accord. ahora.